Chapitre 15e, la veuve. La filiée, la société des compagnons de l'Arche de Noé, qui répondait au nom de l'éléphant, tenait, nous l'avons dit, un caboulot sur les terrains non encore bâtis de l'avenue Wagram, non loin de cette voie magistrale qui aujourd'hui s'ouvre au rond-point que forme la place de l'Étoile. Ce caboulot, précédé d'une tonnelle entourée de vignes vierges, avait un air propre et honnête qui plaisait à l'œil. De la route, on pouvait voir le majestueux débitant de liquide assis devant un comptoir d'étain qui reluisait comme argent neuf. Il payait régulièrement sa patente, était estimé de ses voisins, et bien qu'il fût doué d'un poing capable d'assommer un bœuf d'un seul coup, il avait la réputation d'être doux comme un agneau. Aux yeux de la police municipale, il était sans peur et sans reproche. Jamais on n'avait eu à l'accuser de la plus légère infraction au règlement. À 11 heures en été, à 10 heures pendant l'hiver, il fermait invariablement les volets de son établissement. L'enseigne qui se dressait au-dessus de sa porte avait quelque chose de naïf et en même temps d'original. Cette enseigne représentait un patriarche hébreu à la face rubiconde, cueillant des grappes gigantesques de raisins dans un verger ensoleillé, et au-dessous de ce chef-d'œuvre d'un rapin fantaisiste, on lisait en lettres d'or sur fond bleu « Aux vendanges du Père Noé ». Dans la soirée où avaient eu lieu les tragiques événements que nous venons de raconter, l'éléphant, lorsque le coucou qui décorait l'intérieur de son caboulet sonna 10 heures, mit poliment ses derniers clients à la porte en leur annonçant qu'il allait se coucher et ferma aussitôt ses volets, conformément à sa louable habitude. Toutefois, 1 heure plus tard, une femme d'une taille exiguë mais remarquable par sa corpulence, s'étant glissée furtivement derrière le caboulot, regarda à travers les volets fermés et aperçut un filet de lumière. « Il attend les autres, » se dit-elle, « donc c'est pour cette nuit. » Cette femme, c'était la veuve de Cormoran. Elle chercha autour d'elle un endroit d'où elle pourrait tout voir sans être vue. À quelques pas, il y avait une de ces grosses futailles, désignées sous le nom de queue ou de pipe, selon la contrée qui les expédie. Cette futaie était défoncée et couchée sur le flanc. « Voilà mon affaire, » pensa Sémiramis en se coulant dans l'énorme tonneau. 1 heure se passa, rien de suspect ne s'était montré. Cependant, le filet de lumière apparaissait toujours à travers les fentes des volets. Il pouvait être minuit un quart quand elle entendit les pas bien distincts de 2 hommes sur la chaussée. Les 2 hommes s'arrêtèrent devant le caboulot de l'éléphant et regardèrent à droite et à gauche afin de bien s'assurer qu'ils étaient seuls. Cette précaution préliminaire prise, ils firent comme Sémiramis et contournèrent la maisonnette. Arrivés derrière, ils frappèrent 5 légers coups au volet, les 3 premiers espacés, les 2 autres précipités. « Qui va là ?» demanda à voix basse l'éléphant. « Enfant de Noé !» lui fut-il répondu. Le volet aussitôt s'ouvrit, et les 2 affiliés enjambèrent la fenêtre du rez-de-chaussée qui se referma sur eux. « En voilà 2 qui sont dans la cage !» dit la veuve, qui de sa cachette avait aperçu et reconnu Colibri et le jaguar. Environ 1 quart d'heure plus tard, 1 troisième compagnon de l'Arche frappa au volet et s'introduisit dans le caboulot par la même voie que les 2 premiers. « C'est le macaque, » murmura Sémiramis, toujours dans sa futaille. « Il n'en manque plus que 2, le maître et le perroquet. » Le perroquet, autrement dit le vicomte Hector de Livran, ne devait pas se trouver au rendez-vous et il en sait pourquoi. Celui que la veuve appelait le maître arriva peu d'instant après le macaque. Il n'était pas seul. À côté de lui, marchait un jeune garçon de moyenne taille, effluvé auquel on aurait donné 14 ou 15 ans. Il était vêtu d'une blouse grise, ses cheveux abondants et d'un noir bleuâtre, s'abritait en partie sous une casquette qui descendait jusque sur ses yeux, et ce qu'on pouvait apercevoir de son visage avait une teinte d'un rouge d'ocre. Maresco entra seul dans le caboulot, le jeune garçon s'assit sur un banc sous la tonnelle et l'attendit. Le capitaine venait s'assurer si tout son monde se trouvait à l'appel. Il remarqua l'absent d'Hector. « L'imbécile, » pensa-t-il, « le cœur lui aura manqué. Et il sera parti avec elle. Enfin, s'il lui subtilise son petit million en route, je me contenterai de cette vengeance, quoique j'eusse préféré l'autre. Vous m'avez bien compris, » dit-il en se retirant, après avoir donné ses instructions dernières aux 4 bandits. « Un coup de sifflet et le déménagement commencera. » Quoique ces paroles eussent été prononcées à mi-voix, Sémiramis, qui était tout yeux et tout oreille, les avait saisis au vol et une joie cruelle se peignit sur son visage. Le volet se referma et Maresco s'éloigna avec le jeune garçon. Lorsque la veuve n'entendit plus le bruit de leurs pas, Elle se glissa hors de la bataille, puis elle rejoignit aussi vite que ses courtes jambes lui permettaient deux agents qui l'avaient accompagnée et qui se tenaient en embuscade à une cinquantaine de mètres au-delà du caboulot. À l'angle de la rue de Tilsit et de l'avenue du Bois de Boulogne était un café assez fréquenté pendant le jour. Des agents vêtus en bourgeois et chargés de faire main basse sur la bande de Maresco lorsqu'elle aurait opéré son coup s'étaient installés dans ce café dès 10h30 du soir. Quand l'heure de la fermeture fut arrivée, le maître de l'établissement, qui les prenait pour de simples particuliers, les invita à se retirer. « Fermez votre boutique, » lui répondit le chef des agents en exhibant sa carte triangulaire. « Nous devons rester ici pour surveiller des malfaiteurs qui méditent un coup cette nuit. » Le cafetier devint pâle de frayeur. « Ce n'est pas chez moi, au moins, » demanda-t-il. « Non, mais c'est tout près d'ici, » répliqua le brigadier. « Fermez votre devanture et ne laissez entr'ouverte qu'une seule porte, afin que nous puissions sortir lorsque le moment d'agir sera venu. » Tout ce qui touche à la police a le privilège d'imposer le respect aux honnêtes gens. Aussi le maître de café s'empressa-t-il d'obéir à l'ordre qu'il avait reçu. Il s'apprêtait à mettre son dernier volet quand un nouveau personnage parut. Le brigadier, qui se tenait assis devant une table, à peu de distance de la porte, l'aperçut et alla aussitôt à lui. « Que venez-vous faire ici, mon cher Folfeuille ? » dit-il en lui serrant la main. « Je vous croyais définitivement retiré du service. »« Chut !» fit Léonce, et prenant son ancien collègue à part. « J'ai abdiqué les galons, mon cher Bricard, mais j'ai conservé le goût du métier, et je sers en amateur dans les grandes occasions. Ah ! Et vous voulez être des nôtres cette nuit ? Précisément. Vous connaissez donc l'affaire, mieux que vous, sans m'en tarder, cher ami. » Le brigadier regarda son ex-collègue d'un air d'incrédulité. « Vous mettez en doute mes paroles, mon cher Bricard ?» continua Folfeuille. « Eh bien, je vais vous dire en quatre mots pourquoi vous êtes ici. Voyons. Vous êtes venu surveiller l'hôtel de Sir Johan Astley où un vol de plusieurs millions doit être commis cette nuit. Cette nuit ou une autre ? Cette nuit, vous dis-je. C'est à la préfecture que vous avez appris cela après mon départ. Il y a plus de 15 jours que je n'y ai mis les pieds. Alors vous êtes sorcier. Tenez, parlons franc, Bricard. Ma présence vous chiffonne un peu. Vous craignez que je ne marche sur vos brisées. Dame, n'est-ce pas naturel ? Rassurez-vous, cher ami, je vous donnerai un coup de main. » Mais sans prétendre le moins du monde retirer honneur au profit de la chose. À présent, récapitulons les faits. Dans la journée, vous vous êtes présenté, n'est-ce pas, chez Sir Johan Astley, l'homme au million que l'on veut dévaliser. En effet, mon cher Folfeuille, vous lui avez proposé de faire occuper son hôtel par vos agents. Parfaitement exact. Sir Johan vous a répondu qu'il saurait bien se garder tout seul et refuser votre concours. C'est encore vrai. Alors vous avez reçu l'ordre non pas d'empêcher le vol, mais de vous emparer des voleurs une fois leur coup fait, comme vous dites. Eh bien, mon bon, sans moi, vous courriez grand risque de faire chou blanc. Comment cela ? C'est bien simple. Vous n'avez aucune connaissance des localités, par conséquent vous ignorez de quel côté les voleurs s'introduiront dans l'hôtel. Mais moi qui le connais depuis le grenier jusqu'à la cave, je le sais. Et je vous l'indiquerai afin que vous puissiez les accueillir à leur sortie. » Mais ce que Folfeuille se garda bien de dire à son ancien collègue, c'est que Sir Johan Astley se réservait la capture du capitaine Maresco. Deux agents qui entrèrent, précédés de Semiramis, mirent fin à l'entretien. Léonce reconnut aussitôt la boulotte et fit un geste d'étonnement. « Ces bandits ont assassiné son mari. » Et il a dénoncé le complot, lui dit Bricard à l'oreille. Puis se tournant vers la veuve de Cormoran, « Avez-vous découvert quelque chose ? » lui demanda-t-il. « Les compagnons de l'Arche sont tous dans le caboulot de l'éléphant, à l'exception du perroquet, » répondit-elle. « Et leur chef ? » ?»« Il y est venu, puis il est reparti, et doit être en ce moment en train de pénétrer chez l'Anglais avec une femme déguisée en garçon. »« La femme indienne, sans doute, » dit Léonce de Folfeuille. « Marchons, » fit le brigadier en s'adressant à ses agents. « Là, mon bouillant ami, » reprit Léonce en le retenant, « ne nous pressons pas. » Si nous voulons happer la bande en bloc. Pas un échappera, si l'on s'y prend bien, ajouta Semiramis d'un air sombre, car le capitaine fera entendre un coup de sifflet lorsque les autres devront le rejoindre. Bricard semblait ne pas tenir en place. Il allait, il venait, puis il regardait à travers les fentes des volets. Cher ami, dit Folfeuille en riant, vous me faites l'effet en ce moment de Saint-Laurent sur son grill. Venez avec moi, je connais un certain endroit où nous serons admirablement placés. Pour voir le chef de la bande et sa femme entrer dans l'hôtel de Sir Johan Astley. Il prit le brigadier par-dessous le bras, et bientôt la porte du café se ferma derrière eux. La place de l'Étoile était depuis longtemps déserte, et l'hôtel de Sir Johan plongé dans une obscurité profonde lorsque le capitaine Maresco sortit du caboulot de l'éléphant. Il se dirigea aussitôt avec sa femme vers la petite porte placée dans l'angle gauche de la grille, tenant dans une main une lanterne sourde et sous l'autre bras un objet noirâtre de petite dimension et d'un poids léger. C'était une échelle en fer articulé. Cette échelle, courte en apparence, se dédoublait à l'instar de celle dont se servent les employés de la compagnie du gaz pour visiter et réparer les lampadaires. Elle pouvait atteindre la hauteur d'un premier étage. Maresco, après s'être assuré qu'ils étaient bien seuls, tira de sa poche un rossignol et ouvrit la petite porte qui donnait sur le jardin. Cette porte ouverte, il se dissimula, ainsi que son compagnon féminin, derrière un massif d'arbres. Aucun bruit ne s'étant fait entendre à l'intérieur de l'hôtel, toujours plongé dans les ténèbres, il avança à pas de loup, déplia son échelle et la plaça à environ 1 mètre au-dessous de l'œil de bœuf. Ensuite, il monta et à l'aide d'un ciseau à froid, il fit une pesée sur la rondelle en cuivre de l'œil de bœuf qui s'ouvrit à l'instant. De nouveau, il prêta l'oreille, le silence régnait toujours. Il attacha alors une corde à un crampon du mur et la fit couler dans l'intérieur. Puis il descendit de l'échelle. « À ton tour, » dit-il à la gazelle, « et n'oublie pas mes instructions. Quand tu seras dans le cabinet, tu ouvriras une porte qui se trouve à droite, c'est celle du salon. »« Je sais, » répondit l'Indienne, « et lorsque je serai dans le salon, j'ouvrirai une fenêtre. » Et sans plus tarder, elle grimpa sur l'échelle avec l'agilité d'un jeune chat, et parvenue à l'œil de bœuf, elle saisit la corde et se laissa glisser dans l'intérieur. Maresco, quoique peu impressionnable, ne put se défendre d'un certain tressaillement quand il la vit disparaître. Au bout de quelques minutes, un bruit presque imperceptible se fit entendre du côté du salon. C'était la fenêtre que la gazelle venait d'entrouvrir. Maresco retira son échelle et alla vers l'endroit d'où venait le bruit. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il avait rejoint sa compagne. Il poussa la fenêtre du salon, sans toutefois la fermer, puis il alluma sa lanterne. « Le trésor est là !» murmura l'Indienne en désignant la porte du cabinet. Maresco, entré dans le cabinet, dirigea le foyer de sa lanterne sur le coffre-fort. « Ce sera l'affaire de 5 minutes, » dit-il après l'avoir examiné attentivement. Il fouilla de nouveau dans sa poche et en sortit un trousseau de 7 clés, dite la série, fabriquée à Londres, tout en fin acier 2 fois trempé et combiné de façon à pouvoir ouvrir les serrures les plus compliquées. Il en choisit une et l'introduisit dans le coffre-fort. L'Indienne, qui avait pris la lanterne sourde, regardait l'opération avec une vive curiosité. 4 minutes s'étaient écoulées. « Plus qu'une gâche à faire jouer, et la caisse sera ouverte, » dit Maresco. Un dernier bruissement de l'acier s'entendit, ainsi qu'il l'avait annoncé, la serrure du coffre céda. Alors, apparurent à ses yeux des sacs éventrés remplis d'or et des liasses de billets de banque symétriquement rangés sur les rayons de la caisse. Mais cette vue qui l'éblouissait ne dura qu'une seconde. Le plancher sur lequel Maresco était avec l'Indienne s'abaissa tout à coup et se mit à descendre. Si grande fut l'épouvante de la gazelle qu'elle laissa tomber sa lanterne, ils se trouvèrent dans l'obscurité la plus complète. Et le plancher descendait toujours. « Nous sommes perdus, » dit Maresco, dont une sueur froide inondait le front. Il essaya de s'accrocher au mur, mais ce fut en vain. Les murs, garnis de stucs, étaient lisses comme une glace. Cette descente, d'une minute à peine, eut pour eux la durée d'un siècle. Un choc sec annonça qu'elle était arrivée à son terme. Alors une voix se fit entendre au-dessus de leur tête. « Bon voyage, capitaine Maresco, » disait cette voix, « et surtout, soyez muets, car la police surveille les abords de l'hôtel. » À ces paroles succéda un grand bruit. C'était l'ancien plancher qui s'abattait pour remplacer celui qui venait de disparaître dans les profondeurs d'un caveau. Sir Johan Astley, un flambeau à la main, entra un instant après dans le cabinet, referma tranquillement sa caisse, mit la clé dans sa poche et sortit. Léonce de Folfeuille, en quittant McBrica, le café de la rue de Tilsit, était allé se poster derrière un talus et tous deux avaient pu voir Maresco et l'Indienne entrer dans le jardin, puis se hisser à tour de rôle jusqu'à l'œil de bœuf et enfin disparaître dans l'intérieur de l'hôtel. Ils attendirent assez longtemps. Ni l'homme ni la jeune femme n'avaient reparu et l'hôtel était toujours silencieux. Le brave brigadier s'étonnait, s'inquiétait de l'absence du signal qui devait faire accourir les autres bandits. « Il me vient une idée, » dit Folfeuille, qui savait parfaitement pourquoi Maresco demeurait muet. À votre place, mon cher Bricard, je mettrai vos agents en embuscade et je donnerai le signal convenu. Fameuse, votre idée, répondit le brigadier. Il courut au café, emmena ses hommes, et après avoir assigné un poste à chacun d'eux, il fit entendre un coup de sifflet perçant. Le signal avait été entendu. Un à un, quatre individus se glissèrent dans l'ombre, et lorsqu'ils furent devant la grille qui entourait le jardin, ils s'arrêtèrent et attendirent. « Le capitaine ne paraît pas. Que fait-il donc ?» dit le macaque à mi-voix aux trois autres. « Je vais aller en reconnaissance, » répondit le colibri en gagnant la petite porte de gauche. Il se disposait à l'ouvrir quand un agent le saisit vigoureusement à la gorge. Pourtant, il eut le temps de crier « Nous sommes trahis, la roue c'est là !» Mais d'autres agents, surgissant du milieu des ténèbres, s'étaient précipités sur les trois autres bandits. L'éléphant, malgré sa force herculéenne, avait été renversé et garrotté en un clin d'œil. Le jaguar voulut ouvrir son couteau, mais il n'eut pas le loisir d'en jouer. À son tour, il était garrotté. Le macaque, se voyant cerné, fit un bond prodigieux, passa par-dessus la tête des deux agents, mais il alla tomber dans les bras d'un troisième qui en eut promptement raison. Toute la bande était capturée, moins Maresco et l'Indienne. « Le chef est dans l'hôtel, » dit Bricard. « Je vais aller l'y prendre, que cela plaise ou non à l'anglais. »« Je connais Sir Johan Astley, » repartit Léonce de Folfeuille. « Laissez-moi parlementer avec lui. » Il se dirigea alors, avec le brigadier, vers la rue de Tilsit et arrivé devant la porte d'entrée de l'hôtel, il sonna. Au bout de quelques minutes, le concierge parut. « Tiens, c'est vous, monsieur Folfeuille, » dit le concierge, tout en s'efforçant de comprimer un bâillement. « Que venez-vous faire chez nous à pareille heure de la nuit ?»« J'ai besoin de parler à Milord, » répondit Léonce. « Mais Milord est couché depuis longtemps, il doit dormir. Qu'importe, il faut absolument que je parle à sa seigneurie. » Le concierge ouvrit et Folfeuille entra avec Bricard. « Entendez-moi sur le perron, je n'en aurai pas pour longtemps, » dit Léonce au brigadier. Sir Johan Astley était couché en effet lorsque Folfeuille parut devant lui. « Je viens vous annoncer, Milord, que la bande de Maresco est prisonnière, » dit Léonce. « C'était la surprise dont je vous parlais hier. Mais je dois vous informer en même temps que l'habeas corpus n'existe pas en France comme en Angleterre et que la police a le droit d'entrer à toute heure dans la maison des gens, quelle que soit leur qualité, quand il s'agit de constater un crime. Vous n'avez pas à craindre qu'on découvre Maresco et sa compagne dans le logement que vous leur avez prêté, et je ne saurais trop dès lors engager votre seigneurie à autoriser les recherches que la police se propose de faire dans cet hôtel. Soit, mon cher Folfeuille, répondit Sir Johan, je voulais m'emparer moi-même de Maresco, je l'ai, il ne saurait m'échapper là où il est, et je ne m'oppose pas à ce qu'on fasse toutes les perquisitions nécessaires. Bricard, à qui Folfeuille s'empressa de rapporter les paroles de Sir Johan, visita avec un soin minutieux tous les coins et recoins de l'hôtel, et notamment les combles et le cabinet où était le coffre-fort, mais comme on doit le supposer, il ne trouva pas ce qu'il cherchait. Les traces de l'effraction étaient visibles, la fenêtre du salon était encore ouverte, et l'œil de bœuf forcé, mais de Maresco et de l'Indienne, nul vestige. « Je ne partirai d'ici, » dit Bricard dépité, « que lorsque j'aurai visité la chambre à coucher de cet original d'anglais. »« Je vais essayer de vous satisfaire, » répartit Léonce, qui, on le voit, jouit le rôle de conciliateur. Il dit quelques mots à l'oreille du concierge qui les accompagnait, et ce dernier revint bientôt en annonçant que Milord autorisait la perquisition. Le brigadier entra et l'aperçut sur Johan Astley, le nez enfoncé dans ses couvertures. Lorsque Bricard eut cherché, fureté partout sans rien découvrir, Sir Johan lui dit d'un ton flegmatique « Maintenant, monsieur l'agent, voulez-vous me permettre de continuer mon sommeil que vous avez deux fois interrompu ?»« Milord, je vous fais mes excuses, » répondit le brigadier Bricard en s'inclinant, « mais j'avais des ordres et mon devoir était de les exécuter. » Pendant que ceci se passait chez Sir Johan Astley, les quatre bandits avaient été transférés provisoirement dans un poste voisin. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent Sémiramis assise près d'un poêle. Ils comprirent alors d'où était partie la dénonciation. Elle se leva en les apercevant. « 1, 2, 3, 4 » fit-elle en les comptant avec le doigt. « Il en manque encore deux, Mélinet et le perroquet. »« On est sur leur piste, » lui dit un agent. « Vous ne tarderez pas à les voir. »« Ils ont coupé le cou à mon homme, » répondit-elle. « Il faut que tous, les uns après les autres, gravissent l'abbaye de Montaregret. Ils m'ont fait veuve. » Il faut qu'ils embrassent la veuve. Les bandits et les agents eux-mêmes éprouvèrent un tressaillement en entendant ces prophétiques paroles, proférées avec un accent et un geste sinistre.